الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. On continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi et une explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière on avait entamé le chapitre de la croyance à la prédestination. La croyance en la prédestination, autrement dit en arabe, al-qada ou al-qadar. Et on avait donné l'explication des savants sur le terme qada et le terme qadar, et qu'il y avait trois explications. La première, c'était que al-qada, c'est l'application d'un fait au moment où il a lieu. Et al-qadar, c'est le fait que cette même situation a été prédestinée et écrite auparavant. Et certains savants ne différencient pas entre Al-Qadra et Al-Qadar. Pour eux, cela veut dire la même chose, à savoir la prédestination. Et certains savants ont dit, tout dépend lorsque Al-Qadra et Al-Qadar sont cités séparément ou chacun de façon séparée. Ou les deux en même temps. Lorsqu'ils sont cités en même temps, lorsqu'on dit qada et qadar, alors al-qada signifie l'application au moment où le fait a lieu, et al-qada c'est la prédestination, à savoir que cela a été bien écrit, a été écrit bien avant. Et lorsqu'ils sont cités séparément, qada et qadar, alors il veut dire la même chose. Ensuite, on a vu que concernant al-qadar, il y avait quatre piliers. Quels sont ces quatre piliers? Al-ilm, wal-kitabatu, wa al-mashi'atu, wa wal-khalq. À savoir la science, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a toujours su et saura toujours ce qu'il y a dans l'univers, ce qu'il y a eu, ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Allah Azza wa Jal a toujours su. Ensuite, il y a Al-Kitab, à savoir qu'Allah Azza wa Jal a écrit tout cela dans les planches préservées. Fil-lawh al-mahfouz. Ensuite, il y a la volonté, c'est-à-dire que rien dans cet univers n'a lieu sans qu'Allah Azza wa Jal ne le veuille. Que rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième pilier, c'est la création, à savoir que tout ce qui existe dans cet univers est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est la création d'Allah azza wa jal. Il n'y a pas une chose qui n'a pas été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on avait donné la différence entre, on avait expliqué de façon plus précise, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir que c'est une volonté qui se divise en deux. Il y a al-iradatul kawniya ou al-iradatul shar'iya. Al-iradatul kawniya, à savoir la volonté universelle, qui signifie, ou qui a elle toujours lieu. À savoir que, quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe dans cet univers n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté universelle. Tout ce qui se passe de bien comme de mal. Tout ce qui se passe de bien comme de mal a lieu par la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la volonté juridique, à savoir qu'Allah azza wa jal veut la croyance et déteste la mécréance. Qu'Allah azza wa jal veut qu'on lui obéisse et il n'aime pas qu'on lui désobéisse. Et cette volonté a lieu comme elle n'a pas lieu. Elle a lieu lorsque les musulmans et les croyants lui obéissent, et elle n'a pas lieu lorsque les non-musulmans ne lui obéissent pas et ne croient pas en lui. Et on avait expliqué, Annie, également que cela ne niait pas le libre arbitre qui est accordé à l'être humain. Que le fait qu'Allah Azza wa Jal et une volonté universelle ne signifie pas que l'être humain n'a pas de volonté et n'a pas de choix. Bien au contraire, c'est parce qu'Allah veut par sa volonté universelle que l'être humain a, a le choix. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Cela fait partie de la volonté universelle. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla te donne le choix de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Mais il veut que tu crois en lui par sa volonté juridique. طيب ثم يقول المؤلف ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. Puis l'imam ibn Qudam al-Maqdisi dit: et si Allah Azza wa Jal les avait préservés, ils ne lui auraient pas désobéi ou ils ne l'auraient pas contredit. Et s'il avait voulu qu'ils lui obéissent, tous, ils lui auraient tous obéi. قال الشيخ الفوزان قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقت كلمة العذاب فلو شاء الله أن يؤمن جميع العالم لآمن جميع العالم ولكنه لحكمته سبحانه وتعالى جعل هذا راجعا إلى اختيار الناس فالمؤمن يؤمن بإرادة ومشيئته والكافر يكفر بمشيئته وإرادته واختياره ومن أجل أن يحصل بسبب هذا الجهاد في سبيل الله وتظهر أسماء الله وصفاته من الإنعام والانتقام والرحمة والغضب لو كان الناس كلهم جميع صالحين لن يوجد أحد من أهل النار ولو صار الناس كلهم كفارا لن يوجد أحد من أهل الجنة فمن حكمته جل وعلا أنه قدر الإيمان والكفر وأمر الناس ونهاهم اختبارا وابتلاء فمن أطاع صار من أهل الجنة ومن عصى صار من أهل النار لأفعاله واختياره هو لنفسه. Cheikh Fawzan dit, Allah Azza wa Jalla a dit, et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de des gens une seule et même communauté. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc dans ce qu'ils croient comme mensonge, ou dans ce qu'ils disent comme mensonge. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et si nous avions voulu, nous aurions donné à chacun sa guidée. Donc Allah Azza wa Jal, s'il avait voulu, le monde entier aurait cru. Le monde entier aurait cru. Mais par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que cela revienne au libre arbitre de ces gens. Celui donc qui croit, croit par sa volonté et par son désir, et le non-musulman mécroit par sa volonté, par son choix. Et Cheikh Fawzan dit, et ceci afin qu'il y ait le combat dans le sentier d'Allah et qu'apparaissent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de combler, de châtier, la miséricorde et la colère. Car si les gens étaient tous vertueux, il n'y aurait personne, il n'y aurait pas d'habitants de l'enfer. Et si les gens étaient tous mécréants, il n'y aurait pas parmi les gens des habitants du paradis. Donc par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la foi et la mécréance, la croyance et la mécréance, et a ordonné les gens et leur a interdit. Il leur a ordonné de croire et il leur a interdit de mécroire, et ceci pour les tester et pour les éprouver. Celui donc qui aura obéi entrera au paradis, et celui qui aura désobéi entrera en enfer, et il entrera en enfer par ses actes et par son choix, car c'est son choix à lui d'avoir mécru, et c'est, et la mécréance qu'il a faite, il l'a faite de son propre chef et de son libre arbitre. ثم قال المؤلف خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجلهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال تعالى والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء. Donc l'imam de Qudam al-Maqdisi dit Allah Azza wa Jal a créé l'ensemble des créatures ainsi que leurs actes, et il a prédestiné leur pourvoyance et leur durée de vie. Il guide qui il veut par sa miséricorde et il égare qui il veut par sa sagesse. Donc Allah Azza wa Jal, comme l'a dit Cheikh Fawzan, Allah Azza wa Jal a dit Allah vous a créé et ce que vous faites. Allah vous a créé et ce que vous faites, c'est-à-dire vos actes. Les actes que vous faites sont aussi la création d'Allah Azza wa Jal, car comme on l'a vu, toute chose qui a lieu dans cet univers est la création d'Allah Azza wa Jal. Donc les actes que tu fais, la prière que tu fais, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi Azza wa Jal, Allahu khaliqu kulli shay. Allah a créé ou est le créateur de toute chose. قدر أرزاقهم وأجالهم ومرضهم وشفاءهم وموتهم وحياتهم وهذا ليس لهم فيه تصرف إنما يجري عليهم من غير إرادتهم ولو كانوا يكرهون هذا الشيء ولا يريدونه يجري عليهم المرض والموت ويجري عليهم المكاره والمسرات هذه تجري عليهم بقضاء الله وقدره. Également الله عز وجل a prédestiné leur pourvoyance et leur durée de vie. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné la pourvoyance de toutes ces créatures, la durée de vie de toutes ces créatures, leur maladie, leur guérison, leur mort et leur vie. Et ceci, ces créatures n'ont pas de pouvoir. Qui a le pouvoir de contrôler sa pourvoyance, ou qui a le pouvoir de décider de son temps de vie? Personne. Ceci, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a prédestiné. Et ceci a lieu et ne fait pas partie de ton choix, a lieu sans que tu le veuilles. C'est pour cela qu'il y a des choses qui ont lieu et que tu détestes. Qui aime être malade? Qui aime être pauvre? Personne. Et ceci fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui donc qui prédestine cela, et les gens n'ont pas de libre arbitre et n'ont pas de choix sur ces choses. Par contre, ils ont le choix sur les autres choses. Est-ce que le fait de ne pas avoir le choix sur sa maladie et sur sa pauvreté veut dire que tu n'as pas le choix dans tout? Non. Tu n'as pas le choix dans certaines choses, mais tu as le choix dans d'autres. Et ces choses dans lesquelles tu n'as pas le choix, est-ce que c'est une offense qui t'est faite? Non. Le fait d'être malade, est-ce que c'est un mal d'être malade? Non. C'est un mal ou pas? C'est un mal, mais c'est un mal qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné, et il y a derrière une sagesse. Il y a derrière une sagesse à fond. Parmi la sagesse de la maladie, il y a le fait que les péchés soient expiés. Une épine qui te touche, sache qu'il y a des péchés qui te sont pardonnés. Que dire de celui qui souffre d'une maladie grave et longue? Ses péchés seront pardonnés et Allah Azza wa Jal peut-être lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Peut-être que le fait que tu sois malade t'a préservé d'un mal encore plus grand. Peut-être que le fait que tu sois malade ait fait en sorte que tu ne sois pas dans un endroit où cela aurait pu être pire. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné toutes choses par sa sagesse. La connaît celui qui la connaît, et la, en est ignorant celui qui en est ignorant. Mais il ne faut pas remettre en cause la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sache qu'Allah azza wa jalla ne n'offense jamais ses serviteurs. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Nous ne les avons pas offensés, mais ils ont offensé Afwan eux-mêmes. Celui qui est amputé d'une jambe, est-ce que cela est un mal? Oui, mais on l'a amputé pour qu'il puisse rester en vie. En le voyant comme ça, est-ce que l'amputation est un mal ou un bien? C'est un mal, mais c'est aussi un bien, car si on ne l'avait pas amputé, il serait mort. Donc il faut savoir que toute chose qu'Allah Azza wa Jal a prédestinée, il y a derrière une sagesse. يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة فهو لا يهدي إلا من يستحق الهداية ويعلم بمن يصلح للهداية وهو أعلم بالمهتدين ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى وعدله وهو أعلم بمن لا يصلح للهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب ولما مات قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك ما لم أنهى عنك فنهاه الله عن الاستغفار ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Également Allah عز وجل guide qui il veut et il égare qui il veut par sa sagesse. Il guide celui qui mérite d'être guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ceux qui méritent d'être guidés, car comme il a dit, huwa a'lamu bil muhtadin. Il est le plus savant sur ceux qui sont guidés. Également Allah azza wa jal égare qui il veut par sa sagesse et par sa justice, car il sait ceux qui ne méritent pas d'être guidés. Pour cela qu'il dit Azza wa Jal, en s'adressant au prophète sallam, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il est le plus connaisseur de ceux qui sont guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé pour que son oncle Abi Talib soit guidé. Et lorsque il est décédé, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je demanderai le pardon pour toi tant que je n'y serai pas interdit, ou tant qu'on ne me l'interdira pas. Et Allah Azza wa Jal l'a par la suite interdit de demander le pardon. Lorsqu'il a dit dans Surat At-Tawbah, le repentir, le verset 113, il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander le pardon aux polythéistes, même s'ils font partie des proches parents. Et Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu aimes. Car Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait? Oui, car il l'a protégé, il l'a soutenu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle, et c'est pour cela qu'il a fait qu'il était motivé et qu'il a mis en œuvre tous les efforts possibles pour qu'il se convertisse et pour qu'il atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Mais Allah Azza wa Jal lui a dit, innaka la tahdi man ahbab, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Car Allah Azza wa Jal sait celui qui mérite d'être guidé et celui qui ne le mérite pas. Et il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui a cette science. Ce n'est pas toi. Tu peux croire du bien d'une personne, l'aimer et vouloir pour elle le meilleur bien, mais en fin de compte, cette personne, Allah Azza wa Jal sait qu'elle ne le mérite pas. Pour cela que celui qui va vers le bien, Allah Azza wa Jal lui facilite. Et celui qui va vers la difficulté, Allah Azza wa Jal lui rajoute de la difficulté. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ويصلح لها فيوفقه لها، ويعلم من لا يستحق الهداية فيحرمه منها فيحرمه منها عقوبة له، فالهداية بيد الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما على الرسول إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يبلغ ويرشد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وأما الهداية التي هي هداية القلوب وهداية القبول فهي بيد الله جل وعلا، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلت الهداية إلا لمن شاء الله. Donc Allah عز وجل, comme on l'a vu, est celui qui est le plus savant sur celui qui mérite d'être guidé et pour celui qui ne mérite pas. Et celui qui mérite, Allah Azza wa Jal va lui faciliter et va faire en sorte qu'il sera amené à être guidé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait également ceux qui ne méritent pas d'être guidés, ceux qui ont un mauvais fond, ceux qui ne sont pas sincères. Allah Azza wa Jal connaît cela d'eux et ne leur facilitera pas la guidée, et ceci en guise de châtiment et de réprimande sur leur état. La guidée donc est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Yunus, le verset 99, et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Ici Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Autrement dit, que tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire, et tu ne peux pas forcer quelqu'un à être guidé, car celui qui est guidé le sera que par la volonté d'Allah Azza wa Jal, et si Allah sait de cette personne qu'elle le mérite. Pour cela, qu'Allah Azza wa Jal a dit, la ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayb. Point de contrainte en religion. Qu'est-ce que ça veut dire point de contrainte en religion? Beaucoup ont mal compris ce verset. Pas les jours, ça veut dire que ce que tu fais de mal, c'est bien. Beaucoup pensent que là, il y a un point de contrainte en religion, c'est-à-dire qu'en religion, il n'y a rien de difficile. Tout est facile. Et il n'y a rien de contraignant. C'est-à-dire qu'il faut pas rendre difficile. Non, c'est pas ça. Le sens, c'est-à-dire point de contrainte en islam, c'est-à-dire que tu ne dois pas contraindre quelqu'un à se convertir. En islam, il est interdit d'obliger quelqu'un de se convertir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit juste après, قَدْ تَبَيَّنَا أَرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Car le droit chemin et le chemin dévié ont été clairement expliqués et sont clairs. Celui qui veut le droit chemin est clair. تَرَكْتُكُمْ كَمَا دِي الْقُرَى صَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْطَةِ. Je vous ai laissé dans une route illuminée. Et celui qui veut la vérité et le droit chemin, il ne peut pas le louper. Donc pour cela qu'en islam, il est interdit de contraindre quelqu'un à se convertir. Donc le prophète sallam n'a de pouvoir que la transmission. Quant à la guider, elle appartient à Allah azza wa jal. Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Shura, le verset 52, إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et tu guides certainement vers un chemin droit. Ici, Allah Azza wa Jalla a parlé de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment rassembler le verset où Allah Azza wa Jalla a dit إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتِ. Tu ne guides pas qui tu aimes. Et ce verset où Allah Azza wa Jalla atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guide certainement vers le droit chemin. Parce que, en réalité, le prophète a mis en évidence la vérité, Et celui qui tourne les cœurs vers la vérité qui accorde le tawfiq, c'est Allah Azza wa Jal. Naam, ahsant. Donc le professeur Hassan tahdi ici, tu guides certainement vers le droit chemin. Il faut le comprendre dans le sens, tu transmets et tu montres la vérité. Tahdi ay turshid. Turshid wa tadul, c'est-à-dire tu montres le droit chemin et tu appelles les gens à le suivre. Et le professeur Hassan a accompli sa mission. Et les compagnons radiallahu anhum ont attesté de cela. Allah al-Ballard, Allah al-Ballard. Et pendant Hajjat al-Wada', le professeur Hassan a dit à ses compagnons, vous ai-je transmis le message? Vous ai-je transmis le message? Et il disait oui, et le professeur Hassan levait son doigt au ciel et disait Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin. Donc le professeur Hassan guide, et c'est le sens de guider, c'est-à-dire qu'il montre la vérité. Quant à la guider des cœurs, elle n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même le professeur Hassan, s'il mettait tous ses efforts pour guider quelqu'un, cette personne ne pourrait être guidée que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et l'oncle du professeur Hassan est le meilleur des exemples dans ce domaine. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا في حق الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل سبحانه لأنه يفعل ما يشاء لحكمه لا يفعل شيئا إلا لحكمه والحكمة وضع الأمور في مواضعها فوضع الهداية في من يصلح لها ووضع الغوايا في من يصلح لها ويوفق للجنة من يصلح لها ويوفق للنار من يصلح لها فهو أعلم بخلقه سبحانه وهذا مما يوجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله بالهداية وأن يدعو الله بالهداية والتوفيق وألا يعجب بنفسه وبعمله بل يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويخشى من الله عز وجل يخشى أن يضله الله وأن يزيغ قلبه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك فتقول له عائشة إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك فيقول وما يؤمني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب عبده قلبه. Et Allah Azza wa Jalla dit, il ne sera pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux seront questionnés. Qui ne sera pas questionné? Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla ne sera pas questionné sur ce qu'il fait, car il fait tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais, bien au contraire, ce sont les gens qui auront des comptes à rendre, et ils seront questionnés sur toute chose, qu'elle soit petite ou grande. Et ceci est le droit d'Allah Azza wa Jal de faire ce qu'il veut et de ne pas être questionné sur ce qu'il fait. Car tout ce que fait Allah Azza wa Jal, il le fait par sagesse. Et la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place, de positionner chaque chose à son endroit. Et Allah Azza wa Jal est ainsi, lorsqu'il décrète quelque chose, il le décrète par sagesse. Ainsi, lorsqu'il place la guidée, ou il accorde la guidée à celui qui la mérite, et il accorde la déviance et l'égarement à celui qui le mérite, et il facilite le paradis à celui qui le mérite, et il facilite à l'enfer celui qui le mérite, car il est subhanahu wa ta'ala le plus connaisseur de ses créatures. Il est le plus connaisseur de ses créatures. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate al-Layl? فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui est avare et qui ne croit pas en l'au-delà, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous allons lui faciliter la difficulté. Autrement dit, si tu vas vers le mal et si tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jalla te facilitera dans ce que tu veux, car c'est toi qui as voulu. Et l'inverse, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Pareil dans Sourate Al-Layl. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Et celui qui donne et qui craint, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, et qui croit en l'au-delà, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nous allons lui faciliter la facilité. Nous allons lui faciliter la facilité. Donc plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, comme il a dit, celui qui va vers Allah en marchant, Allah va vers lui en courant. D'accord? Et celui qui va vers Allah en rampant, Allah Azza wa Jalla va vers lui en marchant. Donc plus tu vas vers Allah Azza wa Jalla, et plus Allah va vers toi, et il te facilitera vers ce que tu veux. Si tu veux du mal, Allah va te faciliter le mal. Et si tu veux du bien, Allah te facilitera le bien. Pour cela, le Cheikh Fawzan a dit qu'Allah Azza wa Jalla accorde la guidée à celui qui le mérite. Et il accorde l'égarement à celui qui le mérite. Et il facilite le paradis, c'est-à-dire les bonnes œuvres, à celui qui le veut, et il facilite l'enfer à celui qui le veut. Pour cela qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et une personne ne doit pas être la victime de son orgueil, l'orgueil de sa personne, et de s'en remettre à ses actes. Il ne faut pas être dupé par ses bonnes actions, mais de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah et de craindre qu'Allah azza wa jalla ne t'égare. Il faut avoir peur qu'Allah azza wa jalla nous égare, car si nous dévions du droit chemin, Allah azza wa jalla va nous faciliter vers cette déviance, vers cet égarement, wal'iyadu billah. Il faut donc demander à Allah azza wa jalla de nous guider. C'est pour cela qu'on demande à chaque fois la guider à Allah Azza wa Jal. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Et également d'invoquer Allah Azza wa Jal à ce qu'il nous maintienne dans cette religion, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. Et Aïcha radiallahu anha a dit: ô envoyé d'Allah, je t'entends dire souvent: ô toi qui retournes les cœurs, rafferme mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. Et le prophète Hassan m'a dit: qui peut m'assurer, ou qui peut me rassurer, ou qui peut me garantir, alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, il les retourne quand il veut. Les cœurs des serviteurs sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les retourne comme il veut. Si Allah azza wa jalla voit que tu dévies, il va te faciliter à la déviance, wal'iyadu billah. Pour cela qu'on voit beaucoup de gens, malheureusement, et qu'Allah nous en préserve, qui changent du jour au lendemain. Et d'autres, au fur et à mesure, ils s'égarent jusqu'à changer totalement et voire ne plus appliquer l'islam, wal'iyadu billah. Qala ta'ala: waqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha laysa al-imanu bi'aydikum wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Puis un fois même cite un verset d'Allah azza wa jalla dans sourate al-an'am, lorsqu'il dit: et ils jurent par Allah de toute leur force, de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils croiraient sans hésiter. Et Allah azza wa jalla dit: en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, c'est-à-dire ce signe, arrivera, ils n'y croiront pas? Puis Allah Azza wa Jalla dit: wa nuqallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux nous les laisserons marcher aveuglément dans la rébellion. فالإيمان بيد الله سبحانه وتعالى. Donc la guidée appartient à Allah Azza wa Jalla. Pour cela, dans ce verset, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ, ils ont juré par Allah de toute leur force, de toute la force de leur serment. Qui ont juré? Les kuffars. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, si un miracle leur venait, alors ils vont croire. Et Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant aux croyants, وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ, et qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas? Qu'est-ce qui vous dit, ou qu'est-ce qui vous fait penser que quand elle arrivera, ils n'y croiront pas? Et Allah Azza wa Jalla a attesté cela en disant que ce n'est pas parce que les mécréants disent qu'ils vont y croire qu'ils vont forcément y croire. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a dit, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, car ils n'ont pas cru la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'un signe et un miracle leur est parvenu, et ce n'est pas cela qui leur a empêché de m'y croire. Donc, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils vont croire, même en jurant, car la guidée et la croyance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'accorde à celui qui la mérite. ثم قال المؤلف وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قال الشيخ الفوزان هذا إثبات القدر وأن كل المخلوقات وأن كل المخلوقات كلها بقضاء الله وقدره إن كل شيء لا يخرج عن هذا شيء خلقناه لا يخرج شيء عن خلق الله بقدر إن كل شيء مقدر فهذه الآية عامة شاملة حاسمة في هذا الموضوع الله عز وجل dit toute chose nous l'avons créée avec prédestination. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Furqan, le discernement, le verset 2, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, et il a créé toute chose et lui a donné sa juste mesure. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Fair, le verset 22, nul malheur n'atteint la terre, ma asaba min musibatin fil ard, wa la fi anfusikum, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah. Tout malheur qui touche cette terre ou vos personnes sans que cette chose n'ait été écrite avant qu'Allah ne la crée. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jalla dit, toute chose nous l'avons créée avec prédestination. Alors ici, dans ce verset, il y a l'attestation que toutes les créatures sont soumises à la prédestination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose, rien n'est exclu. Khalaqnahu, que nous avons créé, rien ne sort de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la création d'Allah azza wa jal, biqadar, avec prédestination. Khalaqa kulla shay, hada fihi anna kulla shay'in min khalq Allah. وأنه قدره تقديرا ما هو بشيء مستأنف أو شيء أنف إنما هو بقضاء الله وقدره وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة بالعباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس أو في الأرض مما يصيب الأرض من القحط والحساب المطر والحباس المطر والحوائج في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار وتنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة وكذلك ما يحدث في البحار من الحوادث التي تذهب المحاصيل أو تذهب فيها الأموال الطائلة إن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره لا يحدث شيء لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وهي بسبب أفعال العباد المخالفة لشرع الله وطاعته كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le troisième verset que tout malheur qui atteint la terre et vos personnes a été écrit. Ceci est une information d'Allah Azza wa Jalla, à savoir que tous les malheurs qu'il fait descendre sur ses serviteurs comme maladies, morts, et toutes les maladies dont sont soumis les gens, et tout malheur qui arrive dans cette terre, comme sécheresse, comme terre non fertile qui ne donne pas de fruits, et toutes les maladies qui peuvent toucher les cultures et les arbres, également tout ce qui a lieu dans la mer comme accident, ou tout ce qui a été détruit à cause de la mer, tous ces malheurs qui touchent les êtres humains dans leur terre et dans leur personne, tous ces malheurs sont décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien de cela n'a lieu sans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci par sagesse de sa part. Et cette sagesse est que tous ces malheurs sont la conséquence, ou sont les conséquences des actes de ses serviteurs qui contredisent sa religion et ses commandements. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ظهر الفساد في البر والبحر. La turpitude est apparue sur terre et sur mer. بما كسبت أيدي الناس. Et ceci à cause de ce qu'ont fait les gens. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Afin qu'ils goûtent une partie de ce qu'ils ont fait dans le but qu'ils reviennent. Donc tous les malheurs qui ont lieu sont les conséquences de nos péchés. Et Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu dans le cours précédent, sa miséricorde précède sa colère et son pardon précède son châtiment. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit « Nuziqahum ba'da alladhi amilu » afin qu'ils goûtent une partie de ce qu'ils ont fait, dans le but qu'ils reviennent. Donc Allah Azza wa Jal ne nous châtie pas selon nos actes, mais il nous châtie selon une partie de nos actes. Car si Allah Azza wa Jal devait nous châtier sur ce qu'on faisait, il n'y aurait plus personne sur terre. Il n'y aurait plus personne sur terre. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ فهذا فيه دليل على درجة الكتابة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل أن تنزل وقبل أن تحدث مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا وإنما هي شيء ثابت مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر المرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ الثانية مرتبة الخلق والإيجاد ودلت الآية على أن كل شيء يحدث فإنه من خلق الله الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجوده سبحانه وتعالى. Puis Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset, c'est-à-dire dans le verset où Allah Azza wa Jal dit « Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha » Il n'y a pas un malheur qui touche la terre ou vos personnes sans que cela ne soit écrit dans un livre avant que nous l'ayons créé. Dans ce verset, Allah Azzawajal informe que tous ces malheurs ont été écrits auparavant dans les planches préservées. Et ceci prouve l'un des piliers de la croyance en la prédestination qui est l'écriture. Qui est l'écriture, puis Allah Azzawajal a dit avant que nous l'ayons créé. C'est-à-dire que ceci a été créé, a été écrit à Fouad avant qu'elle n'ait lieu, avant que ces malheurs aient eu lieu. Avant que ces malheurs aient eu lieu et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait créés. Il y a donc dans ce verset la preuve sur deux piliers, parmi les piliers de la croyance en la prédestination. La première, c'est l'écriture, avant que tout ceci était écrit, avant que cela ne soit créé, et la parole d'Allah Azza wa Jalla min qabli an nabra'aha, avant que cela ne soit créé, prouve le second pilier qui est le pilier de la création. Que rien sur cette terre qui a lieu, que ce soit un bien ou un mal, que ce soit quelque chose d'aimé ou de détesté, rien n'a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'en soit le créateur et le gouverneur. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.